Question 40. Un conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de 2 ans est obligé de suivre un stage de sensibilisation s'il commet une infraction faisant perdre 3 points. Réponse A. 4 points. Réponse B. 6 points. Réponse C.